Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Près 1860. Question 42. De l'égalité et de la ressemblance des divines personnes entre elles. Les trois personnes sont égales en toutes choses. 1. L'égalité existe-t-elle dans les personnes divines? Nous lisons dans le symbole de saint Athanase, les trois personnes sont coéternelles et égales. Les choses qui ne sont ni plus grandes ni plus petites les unes que les autres sont égales, or rien n'est plus grand ou plus petit dans les personnes divines, car si ces personnes étaient plus petites ou plus grandes, si, en d'autres termes, elles étaient inégales, elles n'auraient pas la même essence et ne feraient plus un seul Dieu, ce qui est impossible. Note. Aucune des personnes ne précède les autres dans l'éternité, ne les surpasse en grandeur et ne les domine par la puissance, voilà ce qui établit entre elles, non seulement la ressemblance, mais l'égalité. Le Père et le Fils ont non seulement la même nature, mais ils la possèdent avec la même perfection. Fin de la note. 2. La personne procédante est-elle coéternelle à son principe? Il est dit dans le symbole de saint Athanase, les trois personnes sont coéternelles les unes aux autres. Le Père engendre par sa nature et non par sa volonté, sa nature est parfaite de toute éternité, il ne déploie point son action génératrice successivement. De ces trois principes il ressort que le Fils a existé aussitôt que le Père. Il lui est donc coéternel, et, de même, le Saint-Esprit l'est à l'un et à l'autre. Parmi les créatures, aucune procession ne représente parfaitement la génération divine, mais les divers traits de ressemblance qu'elle nous offre peuvent par leur réunion nous en donner l'idée, l'une se complétant par l'autre. La splendeur, dit le Concile d'Éphèse, nous montre que le Fils est coéternel au Père, le Verbe nous annonce l'impassibilité de sa naissance, et le nom de Fils nous révèle sa consubstantialité. La plus juste de toutes les similitudes, c'est celle de la parole intérieure procédant de l'entendement dans notre esprit. 3. Y a-t-il un ordre de nature dans les personnes divines? La pluralité sans ordre, c'est la confusion. Or, le symbole cité plus haut déclare qu'il n'y a nulle confusion dans les personnes divines. Donc il y a un certain ordre entre elles. Et, en effet, l'ordre se trouve dans le rapport des choses avec un principe. Dans la Trinité, il y a un principe d'origine sans antériorité, il y a donc aussi un ordre d'origine, mais un ordre sans antériorité, un ordre de procession. Si saint Augustin l'appelle ordre de nature, c'est pour marquer, non pas qu'une personne est antérieure à l'autre, mais seulement que l'une procède de l'autre, d'après un ordre fondé sur l'origine naturelle. Il ne suppose pas que cet ordre soit dans la nature divine considérée en elle-même. 4. Le Fils est-il égal au Père en grandeur? L'apôtre dit, le Fils ne pensa point ce que fut pour lui une usurpation d'être égal à Dieu. Philippiens 2, 6. Le Fils, en effet, est nécessairement égal au Père en grandeur, car il en a toute la perfection par la nature divine. D'après les lois de la paternité et de la filiation, le Fils doit avoir la nature du Père dans sa perfection. Sans doute, dans la génération humaine, l'enfant n'est pas dès le premier jour égal à son Père, mais il acquiert cette égalité par l'accroissement, lorsqu'un vice de génération ne s'y oppose pas. Or on ne peut pas dire que la vertu du Père, dans la Trinité, soit sujette à quelque défaut en produisant le Fils, ni que le Fils n'arrive à sa perfection que par accroissement successif. On est donc forcé de convenir que, de toute éternité, le Fils a été égal au Père en grandeur. Note. La grandeur en Dieu, c'est la perfection de la nature, elle appartient à l'essence d'une manière absolue. Dès lors, puisque la même essence, qui est paternité dans le Père, est filiation dans le Fils, la même dignité, qui est paternité dans le Père, est filiation dans le Fils. Le Père et le Fils ont donc la même dignité comme ils ont la même essence, bien qu'elle soit dans le Père comme dans la personne qui donne, et dans le Fils comme dans la personne qui reçoit. Lorsque le Christ disait « Le Père est plus grand que moi », Jean 14, 28, cette parole dut être entendue de la nature humaine, Jésus-Christ est plus petit que le Père comme homme, mais il lui est égal comme Dieu. C'est ce que le symbole de Saint Athanase exprime ainsi, il est égal au Père dans la divinité et plus petit dans l'humanité. Fin de la note. 5. Le Fils est-il dans le Père et le Père dans le Fils? Jésus-Christ dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jean 14, 10. Il y a trois choses à considérer dans le Fils et dans le Père, l'essence, la relation, et l'origine. Par ces trois choses, le Fils est dans le Père, et le Père dans le Fils. D'abord, par l'essence. Le Père est sa propre essence, et cette essence, il la communique au Fils. Le Père est donc dans le Fils par son essence. Semblablement, le Fils est sa propre essence, donc, à son tour, il est dans le Père par son essence. Ensuite, par les relations. Il est manifeste que, quand deux termes sont corrélatifs, l'un est dans l'autre sous un certain rapport, notre esprit ne les conçoit pas autrement. Note. La filiation, par exemple, ne se conçoit pas dans le Fils sans supposer la paternité, et réciproquement. Fin de la note. Enfin, par l'origine. La procession du Verbe ne sort pas à l'extérieur, elle reste dans l'intelligence même, et ce qui est exprimé par le Verbe est aussi dans le Verbe. On doit raisonner de même à l'égard du Saint-Esprit. 6. Le Fils est-il égal au Père en puissance? Tout ce que le Père fait, le Fils pareillement le fait. Jean 5, 17. La puissance suit la perfection de nature, on le voit dans les créatures, qui ont d'autant plus de force dans leurs opérations que leur nature est plus parfaite. Or, le Fils est égal au Père en grandeur, c'est-à-dire dans la perfection de nature. Il faut donc dire qu'il lui est égal en puissance. Ce raisonnement s'applique également au Saint-Esprit par rapport au Père et au Fils. Note. Le Fils a reçu du Père la puissance, comme il en a reçu l'essence infinie, de sorte que le Père et le Fils ont la même puissance, mais sous des rapports différents, le Père la possède comme donnant, et le Fils comme recevant. C'est dans ces principes que Saint Hilaire a dit, « L'unité de la nature divine est telle que le Fils fait par lui-même ce qu'il ne fait pas de lui-même. » Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.